des grosses pétasses comme ça. Wa connaître na toxi wa connaître. Si koubi ki la. Kay vi you. XXL n'écoute pas les copines. Pat pat pat folle ki la. En route mon frère. Les m'arrivé BBC. Et puis les types la bête. La Jani combien tigavette. Qui camène enquête. Enquête pour la bête. Mon papa la bête. Les loulous m'en a dans quéquette. Ou pas je dis arrête. Ou pas je dis boug la arrête. Ou soya c'est tapé quéquette. Ou sa ça dou sa lok sa fret. Ou soya pour moi enlevé. Ah bon ou si ou pas paye la bête. Vini pour mon rache quéquette. Tapé m'en paye je dis ou arrête. Pas oublié les chez la bête. Achouna matata. Tap tap je tape dans ça. Tap tap tu mouilles sur moi. Tap tap je jouis dans ça. Achouna matata. Tap tap je tape dans ça. Tap tap tu mouilles sur moi. Tap Ma le ou bache en lesa. Ma eme le ou ka souse sa. Why not come up gyan ben nou vaga morta kon Toyota. Ou sav sa bon konite la. Fou pa pe fou ou tape sa. Ma pe ji sote en lesa. Ma mwen kala ek joui en sa. Tap tap. Tap tap. Ek joui en sa. Tap tap. Tap tap. Ek joui en sa. Achouna matata. Tap tap, je tape dans ça. Tap tap, tu mouilles sur moi. Pas oublier lécher la bête. Lécher la bête. Lécher la bête. Et puis monter les 10 ans, t'as-tu bay. Des bouts à maman, des coucous de maman, et puis c'est là. Achouna!